Je crois que mon cœur a vrillé. Je pense qu'à faire mes billets. Je crois que mon cœur a vrillé. Je pense qu'à faire mes billets. Je pense qu'à faire mes billets et faire le tour de la tête. Je sais pas où t'emmener dîner, je connais aucune adresse. C'est pas de l'eau, je suis bérette. Quand je parle, je t'agresse. Et nique sa mère, j'ai teasé. De toute façon, y'a que ça qui m'apaise. Je respecte toutes les femmes, même si j'en ai déçu plus d'une. Une fois que j'ai touché tes formes, je fuis, c'est mon habitude. Mon cœur est menotté, mon vécu l'a déjà pillé. Impossible de me lober, j'ai déjà la balle au pied. Je crois que mon cœur a vrillé. Je pense qu'à faire mes billets. Je crois que mon cœur a vrillé. Je pense qu'à faire mes billets. Je crois que mon cœur a fané. Sentiment en faillite. Ouais, le mal m'envahit. Je fais que de m'envoyer. Je crois que mon cœur a fané. Sentiment en faillite. Ouais, le mal m'envahit. Je fais que de m'envoyer. J'ai déjà fait ça le boulot. La bouteille au goulot. Je serai peut-être numéro uno. Retiens bien ma tête. Logique à brioler, tu veux que je fasse des tonneaux. Billets verts et violets, je dois remplir la caisse. La vie va vite mon rey. J'ai mis de côté mes peines, pro le pleura, c'était mon rêve. Mon cœur qui bat sur le tempo, je les aime bien monter. Un peu simple des fois bimbo, je compte les inonder. Je suis toujours dans mon bendo. Je crois que mon cœur a vrillé. Je pense qu'à faire mes billets. Je crois que mon cœur a vrillé. Je pense qu'à faire mes billets. Je crois que mon cœur a brillé. Je pense qu'à faire mes billets.